Pour ne plus le nourrir, l'astral, il faut ne plus être dans la dualité, ben, la polarisation qui engendre l'ambivalence. Donc, oui. Mais même là, il va y avoir... c'est parce que l'astral, faut le nourrir avec des choses qui le défragmentent. Dans le sens, enregistrer de la mémoire consciemment. Si les gens de plus en plus sont dans l'expérimental, puis qu'ils vivent leur expérimental, en se rendant compte de certaines choses, ça s'enregistre. Donc, c'est un petit peu... faut un petit peu nourrir l'astral avec ce qu'il tue pour... recréer ça, je veux dire, on est en guerre contre des choses qui se sont constituées inconsciemment à travers les âges. C'est surtout ça. Donc, comment est-ce qu'on règle ça? En appliquant la recette contraire, en observant. Ça prend une observation active en temps réel, puis même moi, je vous assure que je ne suis pas le plus extraordinaire pour ça. Souvent, je vois juste par après. Oui, enregistrer de la mémoire, c'est ça. Ben oui, c'est ça un peu l'épuration de l'âme. C'est un petit peu ça aussi, l'alignement des corps. Dans le sens, ben, s'il y a moins d'idées subjectives, s'il y a moins qui est nourri par de l'émotion d'ailleurs, qui vient des... C'est comme du gaz, hein?